À l'occasion du 64e anniversaire de la victoire coréenne dans la guerre de libération de la patrie, la maison d'édition Pouskovaya Polygraphia de Russie a fait paraître en brochure l'œuvre classique du dirigeant suprême Kim Jong-un. Les vétérans de guerre sont les aînés révolutionnaires précieux qui ont créé l'esprit indomptable de défense de la patrie. La cérémonie de parution a eu lieu à la maison d'édition.